Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 29. Malheur à Ariel. Ariel, cité caprice d'assaut David. Une année s'est jointe à une année, des solennités se sont écoulées. Et j'environnerai Ariel de tranchées, et elle sera triste, affligée, et elle sera pour moi comme Ariel. Et je ferai comme un cercle tout autour de toi, et je poserai un rempart contre toi. Et je placerai des fortifications pour ton siège. Tu seras humilié. C'est du sein de la terre que tu parleras, et de la poussière que sera entendue ta parole. Et sortant de la terre, ta voix sera comme celle d'un python, et de la poussière, ta parole ne rendra qu'un faible son. Et sera comme la poudre menue la multitude de ceux qui t'ont agité, et comme la cendre brûlante qui se dissipe, la multitude de ceux qui contre toi ont prévalu. Et ce sera soudain sur le champ. Et par le Seigneur des armées, elle sera visitée au milieu d'un tonnerre, et d'un tremblement de terre, et de la grande voix d'un tourbillon, et d'une tempête, et de la flamme d'un feu dévorant. Et sera comme le songe d'une vision nocturne la multitude de toutes les nations qui ont combattu contre Ariel. Et il en sera ainsi de tous ceux qui lui ont fait la guerre, et l'ont assiégée, et ont prévalu contre elle. Et comme celui qui a faim songe qu'il mange, mais lorsqu'il est réveillé, son âme se trouve vide, et comme celui qui a soif songe qu'il boit, mais après qu'il est réveillé, il est là, et a encore soif, et son âme est vide, ainsi sera la multitude de toutes ces nations qui ont combattu contre la montagne de Sion. Soyez frappés de stupeur et admirés. Soyez flottants et vacillants. Enivrez-vous, mais non de vin. Chancelez, mais non par l'ivresse. Parce que le Seigneur a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il fermera vos yeux. Vos prophètes et vos princes qui voient des visions, il mettra sur eux un voile. Et la vision de tous sera pour vous comme le livre scellé. Lorsqu'on le donnera à un homme qui sait lire, on dit « Lis ce livre !» Et il répondra « Je ne puis car il est scellé. » Et on donnera le livre à un homme qui ne sait pas lire, et on lui dit « Lis !» Et il répondra « Je ne sais pas lire. » Et a dit le Seigneur « Parce que ce peuple s'approche de moi par sa bouche et me glorifie par ses lèvres, mais que son cœur est loin de moi, et qu'il m'en craint par le commandement et les anciennements des hommes, c'est pour cela. Voici que moi j'exciterai encore l'admiration de ce peuple par un miracle grand et étonnant. Car la sagesse périra du milieu des sages, et l'intelligence des prudents sera obscurcie. Malheur à vous qui êtes impénétrables de cœur, afin que vous cachiez au Seigneur un dessein. Leurs œuvres sont dans les ténèbres, et ils disent qui nous voit et qui nous connaît. Elle est perverse, cette pensée que vous avez. Comme si l'argile se révoltait contre le potier et lui disait « Tu ne m'as pas fait !» Et comme si l'œuvre disait à celui qui l'a façonné « Tu ne comprends pas !» Encore un peu de temps, et le Liban ne sera-t-il pas bientôt converti en Carmel? Et le Carmel ne sera-t-il pas réputé pour la forêt? Et en ce jour-là, les sourds entendront les paroles d'un livre. Et affranchis des ténèbres de l'obscurité, les yeux des aveugles verront. Et les hommes doux ajouteront à leur joie dans le Seigneur. Les hommes pauvres exulteront dans le sein d'Israël. Parce qu'il a disparu celui qui prévalait, et qu'il a été détruit le railleur, et qu'ils ont été retranchés ceux qui veillaient pour l'iniquité, qui faisaient pécher les hommes par leurs paroles, à qui la porte tendait des pièges à celui qui les réfutait, et sans motif s'éloignait du juste. À cause de cela, voici ce que dit à la maison de Jacob le Seigneur, qui a racheté Abraham. Jacob ne sera plus confondu, et son visage ne rougira plus. Mais lorsqu'il verra ses fils, ouvrage de mes mains, sanctifiant au milieu de lui mon nom, ils sanctifieront ensemble le saint de Jacob, et annonceront le Dieu d'Israël. Et ceux qui étaient égarés d'esprit, recevront l'intelligence, et les murmurateurs apprendront la loi.